La vengeance d'une mère devenue belle-mère. J'ai commencé à rédiger ma petite liste. Entrer sans s'essuyer les pieds, mettre mon manteau en boule sur le canapé, arriver, pas lavé, les cheveux gras, mettre les pieds sur le canapé ou la table du salon, rôter bruyamment, ne pas trier les déchets, passer plus de temps sur mon portable qu'à discuter, ne pas débarrasser la table, ne pas aider, mettre la télé à fond, mettre des chips sur le canapé. La liste n'est pas exhaustive, je vais de ce pas la compléter. Je vous explique. J'ai un fils, Jules, 22 ans. Il y a 8 jours aujourd'hui, il a pris un appart avec sa copine. Je la connais peu, mais je sais que c'est une maniaque. Tant mieux. Mon mari et moi sommes officiellement invités à manger dimanche prochain. Je jubile. Tout ce que Jules a fait à la maison pendant 22 ans, je vais lui refaire en une seule journée dimanche prochain. Ça fait 3 ans que j'attends ce moment. C'est sûr, Jules va rire, mais sa copine...